regarde comme ça. Je tombe tout au fond de moi. Je cherche, mais je ne trouve pas. Quand tu me regardes comme ça, je voudrais être fou de joie. Trouver tout au fond de moi ta beauté comme moi. Je cherche jour et nuit ce moment inouï où je t'ai aimé. Quand tu es tout près de moi, je suis tout près de toi. Je voudrais te faire sourire, car ton sourire est inouï. Quand tu es tout près de moi, je suis tout près de toi. Ta peau joue avec la lumière. Ça m'éblouit parfois. Je cherche jour et nuit ce moment inouï où je t'ai aimé. Je cherche et je ne trouve pas cet amour-là. Mais j'en ai trouvé un autre. Oui, j'en ai trouvé un autre. Je cherche jour et nuit ce moment inouï où je t'ai aimé. Quand ta voix tombe à terre, je la vois soulever la poussière. Je sais qu'il n'y a plus rien en moi, il n'y a plus rien.